La Genèse, chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhé. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhé furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Ramea et Sapteka, les fils de Raema, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkab et Calné, au pays de Shinaër. Dans ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Réobot, Ir, Calash. Et Rézan entre Ninive et Calash, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim et les Naphtuim. Les Patrusim et les Cachluim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Avédiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté du Guérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japhé, l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Ul, Guéter et Mash. Arpachad engendra Shélash, et Shélash engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktam engendra Almodad, Sheleph, Hatsarmavet, Jerash. Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba. Ophir, Avila et Jobab, tout cela furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Shem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge.